Le meilleur de la scène blues se donne rendez-vous dans le Blues Café. Ça va bien ? Merci pour la prochaine aussi, j'ai besoin de votre aide. Et Fred Chapelier au chant et à la guitare. Ça se passe comme ça, au Blues Café Live. Merci beaucoup les amis. Time to party. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Blues Café Live. Première émission de l'année, comme c'est de tradition, nous vous présentons nos meilleurs vœux bluesico pour 2016. Bonne année à tous. Bonne année, et pour cette première de l'année, on vous a gâté avec un des groupes phares de la scène blues hexagonale. Et ce soir, vraiment, vous allez pouvoir nous dire merci. En effet, il s'agit du groupe Mercy. En anglais dans le texte, sur la scène, nous avons Romuald Lopinto à la batterie. Sébastien Antonioli à la basse. Et l'immense Jean-Paul Avellaneda, guitare et chant. Merci sur la scène du Blues Café. I fell in love when I was 10, we make a chance, my friend. It's the sound of all my life, don't need a kiss, don't need a wife. Always keep her at hand. Now we need some man. Don't even try to understand. I'm the guitar man. She's my love, my happy. I smile when I make her sing. Getting wild up inside, she's my treasure. She's my pride, I always keep her at hand. I'm the guitar man, yes man. Don't even try to understand. I'm the guitar man, guitar man. Et c'est parti pour le Blues Café Live du groupe Mercy. Thank you. États-Unis, mon gars, ce n'est pas un pays. C'est une route. Du nord au sud, on y roule. On y roule le jour, on y roule la nuit. Highway 61, route 66. Allez, roule, ma fille, roule. Watch out for the bridge. Thank you. Bâton rouge, bye bye. Merci. À l'instant, c'était le groupe Mercy qui va faire son Blues Café live ce soir pendant une heure. C'était les deux titres, I'm the Guitar Man et At Shuffle Bridge, que l'on retrouve sur cet excellent album Voodoo Boogie Train. Et on va demander à son chanteur-guitariste Jean-Paul Avellaneda de nous rejoindre ici autour de cette table. Et nous allons parler de cet album, mais pas seulement, puisque Mercy est un groupe qui a une longue carrière. Oui, une longue carrière, puisque un mois près ou deux pratiquement, ça fait 20 ans. 20 ans que le groupe Mercy, que je vais situer aussi géographiquement. Mercy, c'est du côté d'Oraison, pour ceux qui connaissent, entre grosso modo entre Manosque et Sisteron. Tout à fait. Voilà, là où il fait chaud. Et ça t'a peut-être d'ailleurs un peu influencé au niveau du style musique. En tout cas, 95, c'est la création du groupe Mercy. Et comme on fêtait les 20 ans, je me demandais s'il ne fallait pas faire une espèce de chronologie au cours de laquelle on va peut-être voir un peu tout ce qui s'est passé, notamment toutes les rencontres. Et je crois que la plus marquante, qui a démarré ta carrière, c'est celle que tu as faite avec Luther Allison. Oui, tout à fait. Je devais avoir quelque chose comme 25 ans. C'était hier, malheureusement. Et j'ai eu la chance de rencontrer Luther Allison, avec qui je suis devenu... dans un premier temps, très pote, très ami. Et j'ai eu la chance que son guitariste le laisse tomber au cours d'une tournée. Et donc, vu que j'étais à côté, il a fait appel à moi. Et donc, ça a été pour moi mes premières expériences de blues. Avant, j'étais un guitariste de rock. Et j'ai franchi le pas du rock au blues, qui est juste à côté. On est bien d'accord. Tu es un rocker repenti. Avec Luther Allison, j'ai lu que vous partagiez la même passion de la musique, mais pas seulement, vous partagiez aussi la même passion des bottes, je crois, et vous les échangiez même. C'est pour cela qu'il m'a engagé, d'ailleurs. D'accord. Il était vert de rage, car une fois, on a fait une télé à Barcelone, si je me souviens bien, et avec l'argent de la télé, j'ai pu m'acheter une paire de bottes, alors que lui, sa femme, Rocky... le maté, il était vert de rage de voir que moi je pouvais me payer une paire de bottes, pour l'anecdote. Alors, Luther Allison, ce qui a enclenché un peu ton envie de jouer du blues, grande rencontre, parce que je crois qu'il a habité chez toi ou chez Yami, hein, juste... Oui, à l'époque, c'était le début de sa carrière en Europe, et les temps n'étaient pas toujours très faciles pour Luther, donc de temps en temps on l'hébergeait... chez des amis ou chez moi, et puis ainsi de suite. Et rapidement, il a pris son envol, bien sûr. Eh oui, bien sûr, ouais. Et toi aussi, tu as pris ton envol parce que tu es parti aux États-Unis. Et j'ai l'impression que toute ta carrière est parcourue comme ça de rencontres. Parce que Luther Allison, pour démarrer, aux États-Unis, tu rencontres Robin Ford, je crois. Tu as joué avec Robin Ford. C'est ça, j'ai eu la chance. Et peut-être d'autres aussi, d'ailleurs. Oui, j'ai eu la chance. En fait, j'ai eu énormément de chance de rencontrer des gens très importants dans tout au long de la preuve, de ma tu nous rencontres. Je t'ai rencontré toi aussi. Donc j'ai eu la chance de travailler pendant une année avec Robin Ford, puisqu'il était professeur au GIT à Los Angeles. Et c'est vrai que ça a été une influence pour moi majeure. Initiatique aussi peut-être, parce que c'était la première fois peut-être que tu allais aux États-Unis, que tu rencontrais des musiciens, côte ouest. Ça a influencé toute partie de ton style, certainement. Forcément, parce que en fait... non seulement je travaillais le blues avec Robin Ford, mais j'ai pas mal travaillé le jazz avec un monsieur qui s'appelle Joe Durio, qui était le professeur de guitare de Pat Metheny, entre autres. Oui. Et donc ce gars est un immense artiste, et donc j'ai pu, il m'a introduit au jazz et à toutes les, comment dirais-je, les subtilités harmoniques et rythmiques qui se cachent dans cette musique aussi. Alors on va parler comme ça des rencontres, de tes rencontres, des rencontres aussi qui ont permis de fonder le groupe Mercy, qui n'est pas encore créé au moment là où nous situons dans ta biographie. Il y a aussi une rencontre importante avec un Français, le bassiste Francis Campello. Exact. En fait, Francis, j'ai monté, on a créé notre premier groupe, on devait avoir 15 ans ou 16 ans à Aix-en-Provence, ou 14 ans, peut-être 14 ans, on était vraiment gamins, et Francis ensuite est monté à Paris, comme on dit en province, puisqu'il était, il a une médaille d'or au conservatoire de Paris, et on s'est retrouvé à mon retour des États-Unis, où j'ai intégré un groupe qui venait de fonder, qui s'appelait Quai des Brumes. Donc nous sommes restés pendant 3 années signés chez CBS. Voilà. Et à partir de là, on s'est retrouvés. Et c'est rigolo parce qu'on avait monté ce groupe avec un batteur de Genève qui s'appelle Thierry Hochstetter, un très très grand batteur de jazz. Et le groupe Quai des Brumes, on est resté ensemble à peu près 5 ans. Voilà. Alors Francis Compello, d'ailleurs, on le connaît très bien parce qu'il a fait tourner beaucoup d'artistes Dixie Frog, du label Dixie Frog depuis. Et à l'époque où tu étais avec lui, il avait joué ou il allait jouer avec Catherine Ribeiro aussi. Il a joué avec Catherine fin des années 70, début des années 80, juste avant que je ne rentre des États-Unis, oui. Effectivement, ils avaient fait la fête de l'Uma, tout ça, quoi. Vous voulez savoir ce qui va ensuite se passer dans l'histoire du groupe ? Merci, et bien restez avec nous. Non pas après la pub, puisqu'il n'y en a pas dans cette émission, mais on va faire une petite pause musicale et on va écouter un groupe français d'un label qui s'appelle Borderline Blues. Le groupe s'appelle Beau Weevil. Il vient de sortir un album vraiment très intéressant. Le label Borderline Blues est créé par un monsieur qui s'appelle David Isaac et qui essaye de dénicher comme ça les nouveaux talents du blues, qui essaye de chercher des nouvelles sonorités, de moderniser le blues. David Isaac, qui est en interview sur notre site, le www.bluesactu.com. On écoute Beau Weevil avec Just an Animal. Became a fool. You know this world is too wild for a sensitive child. How can a fool like me open my eyes and see? My tears dried up my dreams. Just don't know what more to seek. Well, I was trying to fool just an animal. I do what a man's got to do. I deal with my obligations. Just don't ask any questions. I do what a man's got to do. What do you expect from me? And why don't you see me? Have you noticed that I feel? And don't you see I'm real? Well, I'm just trying to be cool in a path forward. It's time to survive. Just another moment. cry. You know I wanna fly far, far from the ground. And now pity me and caress me. Please hold me and let's tell me. Vous écoutez le Blues Café Live, nous sommes ici comme chaque mois en direct du Millennium de l'île d'Abo, c'est en Isère à quelques kilomètres de Lyon et vous avez la possibilité, vous qui nous écoutez sur les radios, de venir assister à ces émissions. L'entrée est libre et gratuite, vous pouvez accéder au programme sur le www.bluesactu.com et ce soir, Francis, nous recevons le groupe Merci. Groupe Merci avec Jean-Paul Avellaneda, leader du trio, power trio, guitare chant. On racontait un peu les différentes rencontres que tu avais pu faire au début de ta carrière. Si, si, c'est une carrière, 20 ans, justement. On arrive bientôt à la naissance du groupe lui-même. Mais d'abord, est-ce peut-être par indépendance, tu as créé ton propre studio à Horizon ? Je situe de nouveau Horizon. Vous voyez la carte du monde, c'est là, au milieu, entre Manosque et puis Sisteron, je l'ai dit tout à l'heure. Studio d'enregistrement, donc, pour être libre, finalement ? Pour être complètement libre, oui, puisque je venais de passer 3-4 ans chez CBS. Et voilà, avec les contraintes que ça implique, c'est-à-dire que ce sont de grosses sociétés où il y a des directeurs artistiques qui ne sont en fait que des directeurs. On va oublier le mot artistique. Voilà. Et ce sont des blaireaux qui viennent vous conseiller. Monsieur blaireau. Voilà. Et non, mais je le dis. C'est-à-dire que ce sont des musiciens qui n'ont pas réussi dans la musique. Alors, comme ils n'ont pas réussi, c'est eux qui viennent te conseiller, quoi, tu vois. Donc, c'est le mec qui a échoué, qui vient te conseiller, qui vient te dire « Ah non, tu sais, Coco !» Tu sais, alors, à son bras, il y a la blonde qui vient et te dit « Ah, moi, j'en mettrais bien du synthé, là, tu vois. » Je dis « Ben non, je ne mets pas du synthé, là, parce que j'en ai rien à foutre. » Et donc, tu te farcis ça pendant 3 ans. Donc, lorsque je suis parti de CBS, j'ai eu la chance, à ce moment-là, d'avoir un peu d'argent devant moi. Et donc, j'ai créé mon propre studio. Pour au départ un usage personnel, et ce qui m'a permis d'enregistrer le premier album Tribute to Slim Harpo. Et j'ai acheté un fourgon, j'ai acheté une sono, j'ai acheté tout ce qu'il fallait, et quelque part je suis devenu un artisan. Et justement, tu citais ton premier album qui a été une référence dans le monde du blues, cet hommage à Slim Harpo. Les anciens comme moi, on s'en souvient comme quelque chose de mythique, on le mettait dans la vitrine tellement il était excellent. Et pourquoi justement Slim Harpo ? Alors ça, c'était aussi un accident, parce qu'à l'époque, on travaillait avec une maison d'édition à Paris, et une grosse maison d'édition. Et Campbell Conley, je crois que ça s'appelait. Et ils avaient dans les tiroirs 11 titres de Slim Harpo, qui n'avaient pas été utilisés, je crois, depuis les Rolling Stones. Et donc, ils nous ont proposé de reprendre ces 11 titres avec Francis, donc Francis Coppello. Et si on acceptait de faire ces reprises, ils nous aidaient pour l'enregistrement et le mixage de l'album. Alors on a dit oui, bien sûr, parce que quand on vous propose de vous aider, ben on dit oui et on dit merci. Et c'est à ce moment que tu retrouves également une personne qu'on a citée tout à l'heure, c'est Monsieur Francis Campello. Tout à fait, c'était vraiment le début de Mercy. Et donc on a commencé par écumer les bistrots et autres bars du sud-est. Et puis c'est monté tranquillement en puissance, quoi. Et puis assez rapidement, on s'est retrouvé à faire des petits festivals, puis des bons festivals, puis des beaux festivals, et puis le Blues voilà. Café. Et puis c'est chouette. Hein et ben et on va là, voilà, donc j'arrête ma carrière après demain. On va vous retrouver, alors attendons, on va en profiter hein, de cette fin de carrière de Mercy pour que vous puissiez rejoindre la scène en live ici au Millennium pour interpréter encore quelques titres, peut-être des titres de l'album, je sais pas, ça sera la surprise. On rappelle que cet album s'appelle Voodoo Boogie Train et que vous le trouvez dans toutes les bonnes crèmeries, également sur les sites de téléchargement légal, bien entendu, Spotify, Deezer, etc. Voilà, vous n'avez aucune excuse. Merci et sur la scène du Blues Café Live. Hey, hey. Lorsque j'ai composé cette balade, j'étais assis dans la terrasse de la maison de mon ami, Billy C. Farlow. En plein Alabama, en plein été, une guitare sur mes genoux, une bière fraîche sur la table. 45 degrés à l'ombre, hey baby, tu mets pas le nez dehors. Alors, je regardais couler le Hat River. Écrasé de chaleur. Plus tard, j'irai me balader lorsque le soleil sera couché. Mais alors plus tard, car pour le moment, it's a real summer on the Elk River. Thank you. told you, yeah. Le groupe Merci est ce soir notre invité dans le Blues Café Live. Et avant que Jean-Paul nous rejoigne ici dans le studio, nous allons parler d'une exposition de peinture. L'expo s'appelle Hommage Bleu. En deux mots, au plus loin, mage bleu. C'est une exposition de Jean-Claude Legros qui est avec nous ce soir. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir. Très heureux de t'avoir ici à cette table puisque tu fais partie des habitués de cette émission. On voit souvent tes photos d'ailleurs sur notre site bluesactu.com et on a eu l'occasion il y a quelques années de voir une de tes expositions ici à la Blues Party au Millennium. Et en ce mois de janvier, un événement, Guitar Valley 2016, et une de tes plus grandes expos à ce jour. Sans doute, parce que je vais effectivement avoir la chance de pouvoir exposer près de 60 peintures, 60 portraits de blues dans 3 MJC qui participent à l'opération Guitar Valley, à la MJC de Rive-de-Gier, celle de Saint-Lieu et celle de Saint-Martin-la-Plaine. Donc c'est dans la Loire. Tout ça dans la Loire, ouais. Entre Saint-Étienne et Lyon. Et avec, du coup, effectivement, sur les 3 sites, il y aura pratiquement 60 de mes peintures qui seront exposées en même temps, tout le mois de janvier. Alors, pour avoir vu depuis longtemps, bien sûr, tes peintures, que ce soit sur Internet ou en vrai, en chair et en peinture, justement. Moi, je me suis toujours demandé, mais pourquoi tel artiste de blues à peindre, le choix que tu fais autour de tous ces artistes, pourquoi celui-ci, pourquoi pas un autre? Mais il y en a beaucoup maintenant depuis. Oui, mais c'est pas fini. L'idée que j'ai eue au départ, c'était de rendre hommage, d'ailleurs c'est pas ça le mot hommage bleu, rendre hommage à tous les pionniers du blues. Et ça en fait quand même pas mal. Et du coup, je suis parti depuis le départ, ça veut dire autour des années 1900, hein, au moment où le mot blues va arriver, sur une musique qui existe déjà un petit peu. Et du coup, j'ai dit, il faut absolument que je peigne tous ces artistes pionniers, alors pas dans l'ordre chronologique, mais après avec des critères qui sont le fait que je trouve une image qui m'inspire, parce que pour la plupart d'entre eux, les plus anciens, il y avait une photo, parfois deux, parfois pas. La plupart en noir et blanc, parfois des fausses, tout en noir et blanc. Et du coup, j'ai voulu un peu, on va dire, remasteriser l'image de ces bluesmen anciens, et donc tous ceux qui ont fait en gros le blues jusqu'au milieu des années 60, au moment où le blues va prendre son envol à travers tous ses fruits, hein, la soul au rock and roll et au rock, la rock music. Et du coup, je peins surtout effectivement les plus anciens, les moins connus, parce que le but c'est surtout d'exposer pour faire connaître ces musiciens qui sont les pionniers de cette musique. Est-ce que, tu le disais, tu peins des portraits à l'appui de photos, j'ai des fois l'impression que tu te permets aussi quelques fantaisies, tu imagines peut-être des rencontres qui n'ont pas eu lieu par exemple. Alors, ou qui ont eu lieu mais qui ne sont pas effectivement, qui n'ont pas été mémorisés. J'ai entrepris depuis maintenant un peu plus d'un an de faire, au-delà des portraits figuratifs classiques, de faire des scènes qui illustrent l'histoire du blues. Et du coup, effectivement, je mets en présence des musiciens qui parfois l'ont été, parfois ne l'ont pas forcément été, et j'essaye donc d'illustrer à travers ça ce qu'ont été des grands moments dans l'évolution de cette musique. Jean-Claude Legros, l'exposition s'appelle Hommage Bleu. J'imagine qu'il y a un site pour aller voir tes peintures, bien entendu. Oui, on le sait. Il y a le site, donc s'appelle, mon site s'appelle Blues Attic, hein, Attic A-D-T-I-C, le grenier à blues. J'ai aussi une page Facebook qui s'appelle Attic, Blues Attic également, et sur lesquelles à peu près les 60-70 tableaux que j'ai peints pour l'instant sont exposés. Allez-y, vous allez voir. Nous, on est fans depuis longtemps, tu le sais, de ton travail, et on était très heureux de pouvoir t'entendre en parler dans le Blues Café Live. Merci Jean-Claude. Ce soir, nous recevons le groupe Merci. On avait commencé à parler un petit peu de l'historique de ce groupe. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Une émission d'une heure ne suffirait pas. On en était à ce premier album, mais il y a, après le premier album, il y a eu, je vous le donne en mille, le deuxième album, l'album Magic, 2004, peut-être le véritable départ du groupe. Bien, écoutez, oui, avec Magic, c'était à peu près 11 titres originaux, c'est-à-dire des compositions propres au groupe. Donc c'est vrai que, bien que le tribut de Steve Harpo ait été largement remanié par rapport au titre d'origine, on y avait amené une patte un peu différente. C'est vrai que le groupe a trouvé un petit peu sa vitesse de croisière avec Magic. Et puis, on parlait tout à l'heure avec toi des rencontres qui ont toujours un peu chamboulé ou donné un autre, ta carrière, ou en tout cas ta vie musicale, donné un autre axe, et bien il y en a encore une autre, celle que tu as faite avec Billy Tsifarlow. Grand personnage s'il en est, peut-être que pour les anciens, on connaît mieux le groupe avec lequel... Il jouait, le légendaire groupe de country rock, d'ailleurs, californien, Commander Cody, avec Commander Cody, un groupe d'ailleurs assez anachronique à l'époque, hein, qui arrivait dans la période post-hippie en Californie, mais qui venait avec de la musique country. C'était quand même pas trop la mode à l'époque, mais ça fonctionnait bien. Tu rencontres ce Billy Tsifarlow, et paf, nouveau projet. Voilà, effectivement, j'ai d'abord rencontré le manager de Billy Tsifarlow à Los Angeles au cours d'un premier voyage, et je l'avais rencontré, il était venu avec un guitariste qui s'appelle toujours Rich Kirch, qui était le guitariste chef d'orchestre de Johnny Hooker, parce qu'à l'époque le manager s'occupait de Billy Tsifarlow, de Richie. On a fait un jam un soir dans un club à Los Angeles, ça a plutôt bien marché. Et je n'ai rencontré Billy Tsifarlow que, ça c'était en février, j'ai rencontré Billy Tsifarlow qu'au mois de mai, puisque le manager m'a renvoyé un billet d'avion pour que je vienne faire une tournée avec eux sur la côte ouest. Donc c'était une bonne approche, une bonne amorce. Malheureusement, la vie est faite de surprises, et ce monsieur Scott est décédé dans l'année. Et donc il me restait sur les bras un projet d'album avec Billy. Alors il y avait deux solutions, soit j'ai abandonné et soit je reprenais le flambeau. Donc j'ai décidé de reprendre le flambeau. Donc j'ai payé l'avion à Billy qui est venu, on a fait un premier essai sur 4-5 titres. J'ai testé cela auprès des radios, ça a plutôt bien accroché. Donc de là j'ai décidé de travailler, j'ai travaillé pendant une année et demie sur un album qui s'appelle Alabama Swamp Stomp. Très bel album, effectivement. Alabama Swamp Stomp, il s'appelle. Et on en arrive à ce dernier album, et on va continuer les louanges, puisque ce disque est vraiment un très très beau disque. Voodoo Boogie Train, il est sorti l'an dernier, et on a l'impression que tout est dans le titre, en fait. On y retrouve la passion du groupe pour le boogie, le swamp, le côté envoûtant du voodoo, le train pour le voyage, et ce talent aussi de la production, qui est quand même frappant quand on écoute le disque. C'est un album qui est excellemment bien produit. Merci. Ben, je sais pas trop que dire. Je joue la musique que j'ai dans ma tête. Quoi. Enfin, un peu dans les doigts aussi sur la guitare. Oui, mais j'essaye de mettre en exergue plus les idées. Parce qu'en fait, tout ça vient des voyages que j'ai fait en Alabama, en Louisiane. Et en fait, il y a plein de choses qui se passent lorsqu'on voyage. On voit des images, on entend des sons, et on sent des parfums. Et les parfums sont très importants pour moi. C'est-à-dire que les parfums et les sons, les bruits de fond, les insectes, tout ça, c'est toute une musique qui vous accompagne. On n'y fait souvent pas attention, mais c'est là, et lors d'un voyage, c'est la musique du voyage, en fait, quelque part. On retrouve Merci sur la scène du Blues Café ce soir, et on leur en fait un grand de merci pour avoir fait la route jusqu'à nous ici ce soir à l'île d'Abo. Merci, merci à vous. Et dans le Blues Café Live. It's cruel and busy. cruel and busy blue. I got a cruel and busy fever, just a cruel and busy blue. This table reminds you hand of crazy. It could put a life to a man. Right on. I said cruel and busy, just a cruel and busy blue. Just cruel and busy love. I said cruel and busy blue. It's a kind of bunch you have to worry. It's a full-time job that drives me crazy. Thank you. monsieur, bienvenue dans le train fantôme. Le train du voodoo, le train du boogie, le voodoo boogie train. Au milieu de la nuit, Mississippi, le train siffle la nuit. Le train siffle la nuit, you better light your candles. You better light your candles. Cause tonight's gonna boogie, baby. Yes, it's gonna boogie. We'll be right back. Train. Ce titre est également le titre de l'album du groupe Merci, qui était ce soir notre invité dans le Blues Café. Le meilleur de la scène blues se donne rendez-vous dans le Blues Café. Ça va bien ? Merci, pour la prochaine aussi j'ai besoin de votre aide. Et Fred Chapelet au chant et à la guitare. Ça se passe comme ça, le Blues Café live. Merci beaucoup les amis. Time to party. Voilà, c'était ce soir la 102e émission du Blues Café avec le groupe. Merci à vous tous, merci au public. Merci également à Ludovic et Sébastien qui étaient à la technique ce soir, à Laurent Forcheron qui est à la réalisation de l'émission, à toute l'équipe du Millennium, Gilles, Laure. Voilà, on aurait plein de remerciements à faire ce soir. On se donne rendez-vous le mois prochain avec du blues électro. Oui, le mois prochain, nous aurons un jeune duo qui commence à émerger, et très bien émerger. Il s'agit de No Money Kids, un duo qui fonctionne très très bien. Et par la suite, pour vous donner quelques idées, eh bien, nous aurons Gaël Buswell avec son groupe, une nouvelle formation, un nouveau genre, beaucoup plus électrique qu'avant. Et puis, en avançant un peu dans la saison, Marco Marchi, des Suisses, on en a eu le mois dernier, des Suisses italiens cette fois-ci d'ailleurs, et qui ont des instruments assez percutants. Ouais. Vous retrouvez tous ces rendez-vous sur le www.bluesactu.com, c'est notre site internet, ça devrait être presque votre page de démarrage Windows, tellement vous trouvez sur ce site des informations intéressantes. On laisse la scène à Merci pour un dernier titre. Endiablé, on l'espère. Merci à vous. Ciao, bye bye. Merci à tous. Merci à toutes pour votre gentillesse. Ok, c'est un titre d'amour, un titre sur le printemps. Just in springtime. Watch out, Bauer. Café au Millennium de l'île d'Abo. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Dates et renseignements sur bluesactu.com et sur jazzradio.fr.